la pandémie mondiale de Covid-19, ce n'est pas qu'une prolifération de virus SARS-CoV-2 à l'échelle de la planète, c'est aussi une prolifération spectaculaire d'autres types de virus, des virus informatiques qui viennent infecter les hôpitaux, les laboratoires, les institutions en quête de précieuses données de santé, celles qui sont collectées autant dans un parcours de soins classique qu'au cours d'essais cliniques. Des données qui sont sur le marché noir de l'or en barre pour les pirates qui les revendent à des prix exorbitants. Derrière l'épidémie de Covid, une épidémie de hacking, comment mieux protéger ces données de santé si précieuses et si sensibles ? Données de santé, avez-vous activé votre antivirus ? C'est le programme piraté qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre d'où vient cette pandémie d'attaques virtuelles et ce qu'il est possible de faire pour mieux sécuriser ces données de santé, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Peugeot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collège des commissaires de la CNIL en charge des données de santé. Et Vincent Trelly, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé, directeur associé chez Wellium, qui est une société de conseil spécialisée en numérique de santé. Mais on commence par faire le point sur l'autre épidémie, la vraie, et sur le reste de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou et le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue dans Physical Review Letters, nous avons peut-être détecté des traces d'action. Oui, l'action, c'est une particule hypothétique, jamais observée, que l'on recherche depuis longtemps. Elle a été prédite en 1970 pour résoudre le problème de la violation de la symétrie CP sur les distributions de charges électriques négatives et positives à l'intérieur du neutron. Et depuis, on pense que ces particules peuvent constituer de la matière noire. S'ils existent, ces actions devraient être produites à l'intérieur des noyaux d'étoiles à neutrons. Ils devraient s'en échapper, se convertir en rayons X et provoquer un fort rayonnement électromagnétique. Et c'est exactement ce qu'a observé cette équipe américaine en 2019. Dans les 7 mercenaires, un groupe d'étoiles à neutrons, les astrophysiciens ont identifié des émissions de rayons X à haute énergie, inexplicable pour des étoiles à neutrons de ce type. Alors pourtant, ces émissions proviennent bien de ces étoiles à neutrons et non pas de pulsars. Selon ce papier, seules les actions pourraient expliquer ce mécanisme. L'équipe souhaite utiliser des télescopes plus récents pour observer les 7 mercenaires sur une plus large gamme de longueurs d'onde. La prochaine étape, c'est de vérifier cette découverte, auquel cas cela révolutionnerait la physique. Et pour tout comprendre à ces actions, on vous renvoie vers l'étude initiale publiée dans Physical Review Letters. On vous a mis le lien, comme tous les jours, sur notre fil Twitter @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. La nouvelle variante sud-africaine du SARS-CoV-2 serait 50% plus transmissible que le virus original. Et scientifiques sud-africains. Ce nouveau variant, baptisé 501V2, n'est pas plus dangereux que le virus original, mais il se répand plus vite dans le pays. Par exemple, dans la province du Cap Occidental, il a mis 54 jours pour atteindre 100 000 personnes, contre 107 jours lors de la première vague. Cela signifie une propagation plus rapide de 50%. Il y a encore de nombreuses incertitudes sur ce que les mutations ont changé de ce virus. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a déclaré que 501V2 est déjà présent dans 23 pays. Le variant britannique, quant à lui, continue de se répandre. Il est présent dans au moins 60 pays. En France, une première mondiale avec la première greffe bilatérale de bras à Lyon. Oui, un Islandais de 48 ans, amputé des deux bras à l'âge de 26 ans à la suite d'une électrocution, a reçu une double greffe des deux bras et des deux épaules. Il est le premier patient au monde à suivre une telle opération. 25 médecins et chirurgiens se sont relayés et ont passé 15 heures dans le bloc opératoire. La double transplantation se serait bien déroulée, le patient est dans un état stable. Il se prépare à de longs mois de rééducation. Et enfin, une prépublication à paraître dans The Astrophysical Journal aurait peut-être percé le mystère de l'étoile de Tabby. Et découverte en 2015, cette étoile est étrangement tamisée. Ces inexplicables et irrégulières fluctuations de luminosité intriguent les astronomes. Une équipe américaine a utilisé 5 ans d'observations astronomiques. Selon ce papier, ce phénomène n'est pas provoqué par une mégastructure extraterrestre, comme une sphère de Dyson, une hypothèse qui avait été formulée, ni par de la poussière interstellaire, ni par des débris de planétissimaux, mais par une deuxième étoile sur une large orbite, un système binaire qui serait lié par la gravité. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Depuis le début de l'épidémie de Covid, on ne compte plus le nombre d'attaques informatiques plus ou moins coordonnées, plus ou moins de large ampleur qui s'en prennent à des structures de santé ou de recherche. En juillet, c'est la société Moderna qui a été touchée par une cyberattaque lancée par 2 hackers d'origine chinoise. En novembre, autour d'AstraZeneca par des Nord-Coréens cette fois. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, l'Agence européenne de médicaments confirme, ou de médecine pardon, confirme que des données du laboratoire Pfizer ont bien été partagées sur le dark web après avoir été non seulement volées, mais apparemment modifiées de façon à faire planer un doute sur la sécurité du vaccin développé par le laboratoire. Bref, vous l'aurez compris, c'est une épidémie numérique dans l'épidémie et c'est une épidémie à prendre très au sérieux, tant les données de santé, qu'elles soient personnelles ou issues de la recherche et des essais cliniques, sont des données particulièrement sensibles, comme en témoigne notre archive du jour, on ne remonte pas très loin, en mai 2020. La plus impressionnante attaque a eu lieu mi-mars en République tchèque, à l'hôpital de Brno. En pleine crise du Covid, un logiciel infecte tous les ordinateurs et réclame une rançon. Le système informatique est planté, des opérations chirurgicales urgentes doivent être reportées, les patients réorientés, les répercussions durent près d'une semaine. À Genève, c'est l'OMS qui a été destinataire de faux emails tentant de récupérer des données sur les traitements et le vaccin contre le coronavirus. À Londres, les dossiers médicaux des anciens patients de l'hôpital Hammerschmidt ont été publiés. À Paris, le 22 mars, soit 5 jours après le début du confinement, la PHP a évité de justesse une attaque par des nids de service qui aurait pu saturer son site internet ou le logiciel de prise de rendez-vous. Depuis plusieurs années, le secteur médical est dans le top 10 des cibles des cyberattaques. Mais d'après les observateurs, ces dernières semaines, c'est une attaque tous les 3 jours. Voilà, c'était extrait d'un journal d'une radio confrère et néanmoins concurrente au mois de mai 2020. Une réaction peut-être, Vincent Trélie, à cette surenchère dans les attaques, dans la cyberattaque ou dans bien toutes ces attaques contre les données de santé. Ben, écoutez, c'est un phénomène qui est pas tout à fait récent, hein, qui a démarré il y a maintenant 4 à 5 ans, partant du principe qu'il est un peu plus compliqué maintenant de s'en prendre à des secteurs plus matures en termes de cybersécurité, comme les banques ou les industries de pointe. Les pirates informatiques se retournent vers un secteur un peu plus fragile, qui est celui de la santé. Et oui, il est notable qu'à partir du moment où on est en période de crise et donc où il règne une certaine forme de faiblesse, de fragilité et de chaos, on a une très nette augmentation de ces cyberattaques envers des hôpitaux qui sont chargés par rapport à la crise Covid et avec toujours quand même in fine 2 objectifs principaux, gagner de l'argent en bloquant des systèmes, en volant des données et en essayant de récupérer de l'argent pour remettre le système en marche ou pour rendre les données. Et puis un deuxième aspect qu'on a plus vu pendant la crise Covid et que vous avez mentionné en introduction, c'est un aspect clairement d'espionnage industriel, avec objectif de dérober de la donnée pour être le premier à avancer sur les technologies vaccinales en particulier. Valérie Peugeot, une réaction, on l'entend, alors évidemment ça peut paraître extrêmement choquant de s'en prendre à des institutions de santé, à des hôpitaux, qui plus est en plein cœur d'une crise sanitaire telle que celle que nous traversons, mais il faut bien reconnaître que les hôpitaux sont faibles et faiblement protégés contre la cybercriminalité. Je dirais pas ça de façon aussi radicale. Disons qu'il y a encore des marches à monter pour que l'ensemble des hôpitaux soit effectivement à un niveau de sécurité aussi nécessaire que nous en avons besoin pour se défendre contre ce type de cyberattaque. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que si les hôpitaux ne sont pas tous au niveau le plus optimum en termes de sécurité, c'est parce qu'il y a aussi un changement dans les pratiques et dans les usages des données de santé. C'est-à-dire qu'on est face à la fois à un phénomène de massification de la production de données de santé, et aussi à face à une diversification des usages, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent accéder aux données de santé pour des bonnes raisons cette fois-ci, hein, pour faire essentiellement de la recherche, du suivi médical, etc. Et donc, qui dit massification et qui dit accès multiplié, dit des sources de fragilité supplémentaires. Donc, c'est pour ça que tout le secteur en ce moment est en train de monter en compétences pour aller vers une sécurité renforcée. Mais je dirais qu'on est dans une phase de transition aujourd'hui. On voit bien, effectivement, qu'il y a deux choses et ce sont deux volets que nous allons adresser tout au long de cette heure. Il y a d'une part la cybercriminalité, donc le vol de données de recherche plutôt en direction des laboratoires, et de l'autre côté vraiment le trafic des données de santé qui est un problème très sérieux que nous allons traiter aujourd'hui. Est-ce qu'on on dispose de chiffres? Est-ce qu'il y a vraiment concrètement, Vincent Trelli, un effet Covid, un effet épidémie? Alors, sur les hôpitaux, pas forcément. C'est-à-dire que on n'a pas forcément noté une démultiplication des attaques sur les hôpitaux. Faut être précis, aujourd'hui, les hôpitaux sont victimes, dans la très grande majorité, de ce qu'on appelle des cryptovirus. Hein, ou des rançongiciels, pour parler français, qui peuvent être d'ailleurs paralysants, sans être forcément ciblés. C'est-à-dire que vous comme moi, on peut attraper un cryptovirus sans faire exprès, puisque ce sont des virus qui sont propagés essentiellement par les emails. Sur ce premier point, les hôpitaux ont les mêmes fragilités que les autres. Ils reçoivent de faux emails. Ces faux emails arrivent par milliers. Certains sont stoppés par des outils, d'autres ne le sont pas. Et parmi ceux qui ne le sont pas, eh bien, certains font mouche avec des utilisateurs qui vont croire qu'ils ont affaire à un correspondant fiable et vont donc cliquer sur le message et déclencher le cryptovirus. Et à ce moment-là, on se retrouve avec tout ou partie des données qui sont chiffrées et une demande de rançon à la clé pour obtenir la clé de déchiffrement. Donc, pour répondre à votre question, ça, c'est du standard depuis 4 ou 5 ans. Et comme le disait Valérie, on progresse sur ce domaine. Et puis, depuis le début de la crise sanitaire, là, on a noté une réelle augmentation de l'activité parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec les grands acteurs les grands acteurs des ennuis cyber qui se sont concentrés sur la même cible, c'est-à-dire les laboratoires de recherche. Mmh. Ces grands acteurs, c'est quoi ? Les cybercriminels, ils veulent gagner de l'argent. Et en ce moment, attaquer un laboratoire, l'empêcher de travailler et lui demander 200 000 euros de rançon pour débloquer la situation, j'ai tendance à dire qu'on a de bonnes chances de les obtenir. Deuxièmement, le cyberespionnage. Qui existe depuis tout temps, hein, depuis le numérique. Et c'est pas le numérique qui a inventé l'espionnage, il s'est juste numérisé. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le monde des bisounours. Comme les Américains essaient d'avoir nos secrets de fabrication d'avions, les Chinois nos secrets de fabrication de TGV ou je ne sais quoi, eh bien, il y a une guerre économique entre les pays qui a donné lieu à des attaques sur les laboratoires pour essayer de se piquer les informations. Et puis, il y a la troisième et dernière catégorie, ce sont les cyberactivistes. Alors les cyberactivistes, eux, ils veulent pas forcément d'argent, ils veulent pas forcément voler, ils veulent mettre le chaos. Hein, on peut avoir des anti-vax, par exemple. On peut avoir des altermondialistes, etc., qui, à un moment donné, vont s'attaquer à ces structures, d'une part pour faire parler de leur cause, et d'autre part pour créer un peu de chaos. Ça fait que trois acteurs principaux se sont retrouvés ensemble, finalement, à attaquer les mêmes cibles depuis maintenant un peu plus de 6 mois. On va examiner hein, ces différentes formes d'attaques et on va surtout interroger tout au long de cette heure la ressource qui est attaquée, à savoir les données de santé, qui sont les nôtres, qui peuvent être des données du quotidien, qui peuvent être des données de recherche. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il une sorte de rush ou de course justement à la quête de ces données de français de santé de façon illégale et comment mieux les protéger? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler au cours de cette heure. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons des données de santé et des cyberattaques, ou en tout cas de leur protection, tout au long de cette heure, en compagnie de Valérie Peugeot et de Vincent Trelly. Ce qu'on entend tout de même, dans ce que vous venez de dire, Vincent Trelly, parce que c'est vrai que quand on parle de cyberattaque ou de cybercriminalité, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce que c'est. Est-ce qu'il est vrai de dire que, dans la plupart des cas, cette cybercriminalité, c'est une cybercriminalité crapuleuse, c'est-à-dire que finalement, ces données de santé, on les attaque parce qu'elles sont moins protégées, mais pas nécessairement bien pour les utiliser à mauvais escient ou pour les vendre à des laboratoires véreux. Il y a deux cas de figure. Hein. Le premier cas, effectivement, comme l'expliquait Valérie Peugeot, le système de santé est depuis une dizaine d'années, même un petit peu plus, en transformation numérique permanente. C'est-à-dire que tout s'informatise et la production de données est de plus en plus importante. Et comme c'était rappelé, dans le cadre des parcours de santé, beaucoup de gens ont besoin d'accéder à ces données. Donc ça ouvre, ça agrandit la surface numérique du système de santé, et la nécessité de partage ouvre également des possibilités de failles de sécurité. Donc, il y a un aspect clairement crapuleux qui effectivement est un peu plus facile que d'attaquer d'autres secteurs qui communiquent moins et dont la surface numérique est stable. Donc il y a clairement un déport d'intérêt des pirates vers, on le constate d'ailleurs, le système de santé, mais pas seulement, il y a aussi les collectivités territoriales. Hein. On voit beaucoup de villes qui sont attaquées, hein. Une trentaine de villes américaines l'année dernière, une bonne quinzaine de villes françaises aussi. Donc là l'idée est simple, c'est on attaque, on bloque le système, on empêche des centaines, voire des milliers de personnes de travailler, et on demande 10 000, 100 000, 1 million d'euros pour débloquer la situation. Et puis, il y a le deuxième volet, c'est que la donnée de santé a tout de même de la valeur. Mmh. Plusieurs experts, dont Kaspersky, mais d'autres, hein, estiment qu'un dossier, un dossier médical, le vôtre ou le mien, s'il est bien cossu, s'il est bien complet, il peut se monnayer entre 200 et 350 dollars. Le dossier. Donc imaginez un pirate qui vole la base de données d'un petit hôpital de province où on va trouver une centaine de milliers de dossiers médicaux, il peut rapidement se retrouver à la tête de plusieurs millions d'euros. Il va mettre ça à vendre sur le darknet, le black market, hein, le marché noir de l'internet, et il va trouver des acheteurs. Donc on a bien les deux cas de figure, à la fois le crapuleux pour gagner de l'argent rapidement et puis avec une velléité de revendre parce qu'on a des officines qui sont intéressées par les données de santé et pour pouvoir effectuer des traitements de masse. Ça paraît assez incroyable, Valérie Peugeot, quand on entend ce que... Oui, vous voulez réagir ? Oui, je voulais réagir parce que je crois qu'il faut, il faut bien comprendre quels sont les risques associés du point de vue de l'individu, de la personne, parce que là on voit bien la mécanique qui se met en place et la valeur marchande de cette donnée. Alors peut-être pour compléter sur la valeur marchande, sur ce dark web, il y a de la revente qui peut être également à visée publicitaire, c'est-à-dire que on sait que vous souffrez, vous êtes diabétique et on va vous pousser de la nouvelle pompe à insuline. Donc il y a aussi une publicité obscure, si je puis dire, qui se sert de cette revente de données. Mais pourquoi est-ce que c'est si grave, cette revente de données, et pourquoi, dans certains cas, les établissements hospitaliers ou les laboratoires qui sont victimes de ces rançongiciels, comme c'était expliqué à l'instant par Vincent Trelly, sont prêts à payer? Parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Les conséquences, elles sont en termes de confidentialité pour l'individu, elles peuvent se situer soit à l'échelle de tout simplement de sa vie privée, c'est-à-dire que si ces données sont publiées sur le web, par exemple, si elle ou il souffre d'une pathologie et que sa famille ne le savait pas, tout à coup, cette information circule et ça peut avoir des conséquences dramatiques à l'intérieur d'une famille. Bon, c'est pas le cas le plus répandu, mais il existe, hein, on l'a déjà vu dans d'autres domaines que les données de santé. Ça peut avoir des conséquences en termes de discrimination. Imaginez qu'un employeur puisse avoir accès à vos données de santé, quelles seront les conséquences en termes d'évolution de votre carrière? Vous pouvez perdre votre emploi. Cela peut avoir des conséquences en termes de liberté fondamentale. Si, par exemple, vous voulez voyager une femme veut voyager dans un pays qui interdit l'avortement et que ce pays a accès aux données de santé, qu'il sait que cette femme a eu recours à un avortement, il peut lui interdire l'accès à son territoire. Je parle avec des scénarios voilà. Alors c'est vrai, non mais c'est un peu vrai. Mais c'est important de comprendre que la menace qui est derrière, elle a un impact réel sur la vie des gens. Donc c'est pas une menace théorique quoi. Et c'est ce qui explique pourquoi ça marche. Hein. Ce qui explique pourquoi les hôpitaux, enfin les victimes sont prêts à payer dans certains cas, avec un vrai dilemme pour ces établissements de savoir s'il vaut mieux payer ou si au contraire il vaut mieux résister à la demande de rançon de manière à couper l'herbe sous le pied de celui qui effectue cette prise en otage des données de santé. C'est un dilemme dont je pense que Vincent Trelli parlera. Bien sûr, on va en reparler dans un instant, mais sur cette mise à disposition, donc on parle donc plus tellement de rançongiciels crapuleux qui vont bloquer un système et qui vont juste chercher à réclamer de l'argent. Là, on parle de trafic de données de santé. J'ai une première question déjà pour vous deux. Qui dit trafic dit acheteur. Aujourd'hui, qui sont les acheteurs de ces données de santé qui circulent de manière malveillante, clandestine, sur des réseaux parallèles, sur le dark web, qui sont-ils? Parce que est-ce que ce sont des entreprises qui vont récupérer des données comme ça de manière pas très reluisante? Est-ce que ce sont des particuliers, des publicitaires? Enfin, on a du mal à imaginer qu'une entreprise, en cherchant simplement à augmenter son set de données pour une publication, et recours à ce type de données frauduleuses ou en tout cas obtenues de façon criminelle, ou alors c'est vraiment moi qui suis, comme il est tout à fait possible que ce soit le cas, un bisounours et qui a l'impression de vivre entouré de gens bien intentionnés autour de moi. Et qui sont ces acheteurs, Valérie Peugeot? Comme je vous l'expliquais à l'instant, il y a un marché d'une publicité très malsaine qui peut se mettre en place. Des personnes aussi qui veulent faire pression à l'échelle individuelle, c'est ce qu'expliquait Vincent Trelli tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il y a le dossier d'un patient, il peut se voir rançonner directement, c'est-à-dire en disant j'ai récupéré vos informations, je vais les mettre sur le web et tout le monde va savoir que vous souffrez de telle et telle et telle pathologie. Et à ce moment-là, l'individu peut être amené à payer. C'est pas seulement en B2B, mais ça peut être en B2C, si vous me permettez le parallèle. Donc, c'est une partie des mésusages. Pour le reste, en fait, le pari principal, c'est que les victimes, les établissements qui sont victimes, vont payer. Donc les clients sont des gens qui des pirates informatiques. J'apporterai une petite nuance quand même sur ce qu'a dit Vincent Trelli tout à l'heure en parlant des cyberactivistes. Il faut faire attention parce que dans les cyberactivistes il y a ce qu'on appelle les black hats et les white hats. Donc les black hats qui effectivement il y a des gentils aussi. Les chapeaux noirs et les chapeaux blancs. Voilà, ils vont se servir. Voilà, il y a des gros méchants, mais il y a aussi des gentils, les white hats, qui eux, au contraire, vont pénétrer dans les systèmes d'information de manière à identifier des failles et pouvoir les signaler aux établissements concernés pour leur dire attention, là, vous risquez d'en être victime. Donc, et ceux-là font un travail absolument formidable. D'ailleurs, parfois, ils se font recruter par les administrations en charge de la sécurité des systèmes d'information. Quand ils sont trop bons, on va les chercher, on va les recruter. Mais voilà, c'était juste une petite nuance sur le terme de cyberactivistes parce qu'il ne faudrait pas tous les mettre dans le même panier. Sans jeu de mots. Vincent Trelli, sur les acquéreurs, sur les personnes, sur les entreprises ou les individus qui peuvent se porter acquéreurs et contribuer à ce trafic de données de santé, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Alors je vais répondre à cela. Juste avant, pour compléter ce que disait Valérie Peugeot, il y a eu un exemple récent, vous voyez, en Finlande, où un groupe de 25 cliniques privées spécialisées dans le domaine de la psychiatrie s'est fait voler des comptes rendus de psychiatriques, hein. Et donc là, il y a un impact sur la vie des gens qui est quand même phénoménal. Elle a été rançonnée elle-même. Et les pirates ayant les coordonnées des patients ont tenté de rançonner individuellement les patients également en leur disant moi j'ai les comptes rendus de vos deux dernières années de psychiatrie, les médicaments que vous avez pris, les entretiens que vous avez eus avec les psys, c'est 1500 où je balance ça sur internet. Et effectivement, comme le disait Valérie, socialement parlant, personnellement parlant, là on est sur des choses qui peuvent avoir des conséquences gravissimes. Après, sur l'achat, Posez-vous la question. Votre dossier médical ou mon dossier médical, je pense qu'il n'intéresse pas grand monde. Par contre, avoir une base de données de 250 000 dossiers médicaux, qui ça peut intéresser? Qui ça peut intéresser, qui serait prêt éventuellement, via des officines intermédiaires, à acquérir ces données pour lancer des traitements dessus et avoir de l'information fine sur l'état de santé des gens? Si on était un peu si on sortait du monde des bisounours, moi j'aurais au moins quatre catégories. Premièrement, les États. Aujourd'hui, faut pas se mentir, les États s'espionnent. Champion du monde toute catégorie, assumé les Américains, suivi de près par les Russes et par les Chinois. On a des officines d'espionnage qui sont extrêmement bien gréées au niveau cyber. La NSA en a fait la preuve et s'est fait prendre plusieurs fois la main dans le pot de miel. Hein. On a quand même des Américains qui écoutent nos présidents de la République et la chancelière allemande. Enfin, c'est pas une blague. Ça, c'est connu et su. Donc, je pense que l'état de santé de ses amis et de ses ennemis, ça rentre dans les paramètres standards d'une agence de renseignement étatique. Donc, ça peut intéresser ces personnes-là. Puis après, ça peut intéresser qui? Ça peut intéresser des groupes assurantiels, des groupes mutualistes internationaux, des groupes pharmaceutiques. Parce que finalement, de savoir que sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur 3 millions ou 4 millions de personnes, qu'est-ce qu'on leur prescrit? De quoi ils sont malades? Quelles sont leurs pathologies? Quel type de médicaments ces gens prennent? Ça peut avoir un intérêt économique certain et aider à avoir des stratégies agressives en termes de business. Alors, sans être complètement paranoïaque, on peut quand même imaginer que certaines sociétés pourraient, évidemment pas en direct, mais via différentes officines intermédiaires, avoir un intérêt certain pour de la masse de données comme ça et en tirer des informations extrêmement précieuses pour leur business. Alors ça on comprend bien, quitte à ce que, alors moi j'ai toujours cette pensée que je vous livre, hein, qui est de dire que l'enjeu est tout de même très important, c'est-à-dire que si à un moment donné quelqu'un révèle que tel groupe assurantiel ou que tel groupe pharmaceutique a eu recours à des données de santé achetées illégalement sur le dark web qui avait été précédemment piraté, le retour de bâton en termes d'image est quand même très très risqué ou très dangereux, ou là aussi je vis vraiment dans le monde des bisounours, Vincent Trédy. On a déjà eu des exemples avec le système bancaire et les crises, hein. Crise financière de 2008 avec des faillites immédiates de banques qui avaient eu des comportements quasiment crapuleux. C'est pas nouveau tout ça. C'est pas nouveau. Dans les années 90-2000, il y avait des tentatives de l'américain Boeing de récupérer les plans d'Airbus, hein, pour aller plus vite que lui, pour savoir, dans le cadre d'appels d'offres internationaux, comment est-ce que répondaient les sociétés françaises. Je pense que il faut là-dessus être relativement réaliste. La guerre économique est une réalité. Et la santé, c'est quand même un business de 7 milliards et demi de clients. Faut pas oublier ça, tout de même. Hein? C'est-à-dire, à un moment donné, la course au vaccin contre le Covid-19, la Covid-19, potentiellement, c'est 7 milliards et demi, in fine, d'injections potentielles, multipliées par deux, ça fait 15 milliards d'injections potentielles dans le bras des êtres humains sur la planète. Faut pas croire derrière que c'est une bande de bénévoles dans les laboratoires qui sont gentiment en train de travailler au bien-être de l'humanité. Hein. Vous avez absolument raison, Vincent Trédy. Une réaction, Valérie Peugeot. Oui, non, sur le dernier point, une réaction. Effectivement, ça, c'est un sujet absolument essentiel. C'est que si les laboratoires ont été aussi efficaces, aussi rapides dans la production du vaccin, on ne peut que les en féliciter. Hein, on en est tous ravis, évidemment. Il y a un appétit financier très clair et c'est logique. Mais il y a aussi des laboratoires qui jouent le jeu différemment. C'est-à-dire que certains ont décidé, enfin, un laboratoire, pour l'instant, a décidé de commercialiser son vaccin à prix coûtant, de manière à en faciliter la diffusion auprès de publics, enfin auprès de pays notamment, qui n'ont pas nécessairement les moyens de l'acquérir à prix fort. Donc quel laboratoire? L'OMS a, je crois que c'est AstraZeneca, si je me trompe pas, AstraZeneca. Mais vous corrigez si je me trompe, mais il me semble que c'est celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même toute une réflexion à mener sur la manière dont les pays dits en développement vont pouvoir accéder à ces vaccins, avec aujourd'hui une inégalité absolument flagrante dans la capacité à la fois de soigner, bien sûr, hein, les équipements hospitaliers pour soigner de la Covid ne sont pas les mêmes au Congo que en France ou ailleurs. Mais au-delà de ça, hein, la capacité à vacciner va faire toute la différence. Et donc l'OMS là-dessus prend des positions très proactives pour qu'on aille, pour qu'on pense aussi le vaccin comme une sorte de bien commun qui puisse être partagé avec ces pays qui sont moins argentés, si je puis dire. Et là-dessus, on n'est pas au bout de la réflexion. On a encore tout un travail à faire, mais qui est aussi de l'intérêt des pays occidentaux, parce que si on ne vaccine pas effectivement ces 7,5 milliards d'habitants, le vaccin continuera de circuler. N'oublions pas que maintenant nous sommes dans un monde fini. La mondialisation totale que nous connaissons fait que nous devons soigner toute la population mondiale et ne pas penser égoïstement qu'aux populations occidentales. Et quand je dis, c'est aussi une forme d'égoïsme que de soigner les pays du Sud. Mmh. Donc on a besoin de penser ces vaccins autrement qu'à travers le simple prisme de la course au profit, quoi. On va continuer à discuter de ces données de santé, de cybercriminalité. On va évidemment réfléchir à la façon de les protéger au mieux, nous en tant qu'individus, citoyennes et citoyens, également les institutions, les hôpitaux. Et puis on va voir qu'il y a des solutions pour sécuriser un peu mieux ces données de santé dans quelques instants. Well, I grew as great as the ache he gave me. As I passed over your skin, endlessly, oh my love, you're a ghost, and you're leaving from my veins. What if you don't let me down? For lust and the pain, as your words become the fiction that I need to feed my passion. Slowly it's turning round and around and around, as the only thing that could lead us on the ground goes on every side of changing sides. You watch me burn. Site des Psychotic Monks à 16h35 sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous parlons de cybercriminalité, de données de santé tout au long de cette heure, de cette recrudescence de cybercriminalité liée à la crise du Covid. Nous en parlons avec Valérie Peugeot, qui est membre du collège des commissaires de la CNIL en charge des données de santé, et avec Vincent Pardon, avec oui, Vincent Trelli, excusez-moi, président de l'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé et directeur associé chez Wellium, qui est une société de conseil spécialisée en numérique de santé. L'un des enjeux majeurs, hein, comme nous le disions avant la coupure musicale, est donc, on l'aura compris, d'immuniser le secteur de la santé contre ces menaces. C'est ce à quoi s'emploie l'éditeur de logiciels antivirus Kaspersky, que vous êtes allé rencontrer. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, oui c'est ça. Chez Kaspersky, les ingénieurs mettent au point des programmes pour se prémunir contre les malwares, les ransomware ou autres types de menaces persistantes avancées. J'y ai retrouvé Ivan Kletkovski, chercheur en cybersécurité. Son travail, c'est de faire de l'analyse des cyberattaques et de traquer le ou les hackers à l'œuvre. D'après les résultats de ses recherches depuis la crise Covid, eh bien, la fréquence des attaques visant les données de santé n'a pas objectivement augmenté et les méthodes employées sont globalement similaires. Le vrai problème, selon lui, reste bien la vulnérabilité et le manque de culture de sécurité des infrastructures de ses clients, qu'ils soient des hôpitaux ou bien des laboratoires de recherche. On a constaté, c'est qu'il n'y avait pas eu d'augmentation significative du nombre d'attaques depuis le début de la crise Covid. Donc le nombre d'attaques, il est croissant au fil des années, au fil du temps, il y en a de plus en plus, ça c'est un fait, mais il n'y a pas de pic particulier autour de janvier, février ou mars 2020. Voilà. Ce qu'on a constaté par contre, c'est que évidemment, les attaquants se servent de la crise Covid comme prétexte pour arriver à pénétrer leur cible. En pratique, comment vous travaillez ici au sein de cette équipe Great? Alors, on a déjà de base un certain nombre de groupes d'attaquants dont on suit les activités de manière continue. Il y en a une centaine à peu près qui correspondent à des groupes sponsorisés par des États ou à des groupes de mercenaires, etc. On a ces groupes-là qu'on suit de manière régulière et on se base sur ce qu'on appelle la télémétrie de l'antivirus. La télémétrie, c'est quoi ? C'est le fait que à chaque fois que un virus est détecté quelque part sur une machine des clients, il y a des statistiques qui sont envoyées de manière anonyme, en conformément avec la règlement de notation, la RGPD, vers le cloud de Kaspersky, qui s'appelle le KSN, pour Kaspersky Security Network, qui en fait des statistiques sur à telle heure, dans telle région du monde, on a vu qu'il y avait une détection de tel virus. Voilà. Et des fois, c'est un virus qui est connu, des fois, c'est une variante d'un virus que vous connaissez, des fois, c'est quelque chose de nouveau. Et nous, en général, le point de départ de nos investigations, c'est de regarder dans ces alertes, fouiller dans cette masse de données qui est gigantesque, et d'arriver à trouver quel est le cas qui est intéressant. Voilà, c'est un peu ça le point de départ. Et ensuite, il y a des gens qui sont, on va dire, des chasseurs, entre guillemets, qui sont là pour fouiller dans cette télémétrie et trouver quels sont les dossiers qui pourraient être intéressants. Et il y a d'autres gens, c'est plutôt mon rôle à moi, qui va faire l'analyse de ce virus, une dissection en fait, pour arriver à comprendre quel est ce virus, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il essaye de faire sur la machine de la victime, avec quoi il communique, etc. etc. Et donc, une fois que quelqu'un de l'équipe a réalisé cette analyse, eh bien, il peut redonner cette information à ces chasseurs qui, eux, peuvent en servir pour trouver des nouveaux incidents associés à cette première infection. Et en fait, c'est un processus itératif où, de cette manière, les chasseurs ils vont alimenter les, on appelle ça reverseurs, parce que c'est la rétro-ingénierie, reverse engineering en anglais. Donc, les analystes, on peut dire, ces chasseurs vont trouver des pistes intéressantes, ils vont alimenter les analystes qui, eux-mêmes, avec le résultat de leurs travaux, redonnent des informations aux chasseurs pour qu'eux, ils retrouvent de nouveaux éléments à creuser. Et en fait, de proche en proche, comme ça, le but de notre travail, c'est d'arriver à reconstituer, finalement, tout le déroulé d'une attaque. Et à la fin, on a un rapport qui permet de dire, voilà quel type d'incident s'est produit, et voilà comment s'en protéger, voilà comment détecter si c'est dans votre réseau, et voilà comment vous y préparer si vous pensez que vous êtes susceptible d'être ciblé par tel genre de groupe d'attaquants. Pour en arriver au secteur de la santé, quels sont les types d'attaques que vous avez pu identifier ? Quelles sont les cibles, les établissements ? Est-ce que ce sont plutôt des laboratoires, des hôpitaux ? Donc, une première chose que je dois dire au sujet des attaques qui visent le secteur de la santé, c'est qu'elles ne sont pas en nature différentes des attaques qui visent les autres secteurs. Et un attaquant qui essaye de pénétrer un organisme gouvernemental, une société privée ou un hôpital, in fine, ça va être plus ou moins les mêmes méthodes qui sont utilisées. Donc, ce qui est plus intéressant sur la question des données de santé, actuellement, c'est celle des laboratoires. Voilà, parce qu'ils sont devenus stratégiques en fait, du jour au lendemain. Et une question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont capables de protéger leur propriété intellectuelle, les éventuelles données patients qui sont malgré tout sensibles et qui peuvent être en leur possession, etc. Les choses qu'on voit, c'est que depuis le début de la crise Covid, il y a certains groupes d'attaques qui sont parfois, souvent même associés à des États, qui s'intéressent à ces laboratoires pour notamment s'intéresser aux technologies liées aux vaccins. Pour de l'espionnage, là, pour le coup. Voilà, je pense qu'on peut utiliser le mot, c'est effectivement des questions d'espionnage pour arriver à avoir un vaccin le plus rapidement possible qui soit distribuable à leur population. En pratique, ça se traduit par des cyberattaques sur des laboratoires de pays, pas forcément concurrents, mais en tout cas étrangers. Voilà. Donc, le genre d'attaque qu'on suit actuellement, ce sont celles-ci. Mais ce qu'on observe quand même, c'est une sorte de découpage des tâches dans une attaque entre ceux qui développent les malwares et ceux qui arrivent à s'introduire, de faire la primo-infection, la propagation de l'attaque. Il y a quand même une démultiplication des tâches. Est-ce que ça rajoute de la difficulté pour vous, des obstacles en termes de défense? Alors, pour nous, pas vraiment. C'est-à-dire que la problématique de cet écosystème, de comment est-ce qu'il est structuré, comment les rôles sont répartis, il intéresse avant tout les forces de l'ordre, parce qu'elles ont à cœur de... Enfin, leur rôle, c'est de mettre un terme à ce système et d'arrêter les perpétrateurs. Nous, en pratique, notre responsabilité, elle est, entre guillemets, plus simple. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de la chaîne et tout ce qu'on doit faire, c'est empêcher l'attaque de fonctionner. Finalement, qu'elle ait été développée par 14 personnes différentes et mise en place par encore une autre équipe et puis ensuite la propagation soit faite par encore une, nous, tant qu'on l'a détectée une fois à n'importe quel moment, entre guillemets, on a gagné. Voilà. La sécurité, pour nous, ça reste une problématique humaine. Et donc, évidemment, on commercialise un logiciel, même plusieurs gammes de logiciels pour aider nos clients à se défendre. Malgré tout, ça reste important pour toutes les entreprises d'avoir des gens qui sont chargés de la sécurité du réseau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la responsabilité de se décharger de la sécurité sur un tiers ou sur un produit ou une solution technologique magique, mais faire en sorte que les mises à jour soient faites de manière régulière. Des fois, on a des attaques via des mises à jour. Effectivement. Alors, effectivement, mais ça reste des cas extrêmement spécifiques liés aux attaquants les plus sophistiqués et je dirais qu'ils ne concernent pas la plupart des entreprises. La bonne pratique, ça reste encore aujourd'hui de toujours appliquer les mises à jour et aussi d'avoir des copies de sauvegarde au cas où il y ait des attaques ransomware. Voilà un volet de solutions de protection pour bien protéger les données de santé. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Vincent Trelli? Ce qui a été dit est très très vrai à un moment donné et je suis en train de l'écrire d'ailleurs pour un papier qui sortira dans DSIH Magazine, qui est un journal spécialisé dans le monde de la santé. La sécurité n'est pas qu'une affaire d'argent et de produits. Et pour faire un parallèle avec la crise que l'on est en train de vivre, il s'agit de mettre en place des mesures barrières. Ces mesures barrières, certaines ont été citées, c'est déjà d'avoir des systèmes à jour. Or, dans les hôpitaux, pour reprendre le secteur sur lequel j'interviens le plus, pour des tas de raisons, on a des systèmes qui ne sont pas toujours mis à jour en permanence. Alors, pour des raisons parfois tout simplement d'argent, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de renouveler des milliers de postes de travail et donc on a encore dans certaines structures hospitalières des postes en Windows XP ou en Windows 7 qui ne sont plus maintenus par l'éditeur Microsoft. On a des matériels biomédicaux qui tournent, c'est-à-dire des mammographes, des IRM, des scanners, qui tournent sur des machines qui peuvent être obsolètes également, et on peut pas les mettre à jour, sinon le matériel biomédical ne fonctionne plus. Et puis on a des êtres humains. Et on a des êtres humains dans la santé à qui il est pas facile de donner des ordres. C'est-à-dire que le responsable sécurité dans un hôpital, c'est pas parce qu'il va décréter que les mots de passe doivent faire 10 caractères, comme le recommande la CNIL, et qu'ils doivent être changés tous les 3 mois, que c'est une mesure qui va passer simplement. Parce qu'on a, on a face à nous des professeurs de médecine, des chefs de service des urgences, qui nous expliquent que les mots de passe, c'est un calvaire pour eux, ça les ennuie, si en plus faut les changer tous les 3 mois, ils s'en rappellent pas, qu'ils ont besoin d'accéder à une information de façon extrêmement rapide, et que toutes nos mesures de sécurité, ça les embête. Et qu'eux, ils ont un métier autrement plus important que le nôtre, qui est de soigner des gens. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a un très gros travail de pédagogie, il y a un très gros travail de prise de conscience pour arriver finalement à expliquer à cet écosystème qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont pas négociable. Avoir des mots de passe forts, ne pas se les prêter, ne pas les échanger, l'échanger régulièrement, bah, c'est valable pour le particulier, mais c'est aussi valable pour le chef de service de chirurgie obstétrique. Avoir des systèmes à jour, bah, c'est pas non plus quelque chose qui se négocie, et ça devrait être totalement standard, et un directeur informatique ne devrait pas aller avoir à quémander un budget pour maintenir un système à jour. Ça devrait être quasiment quelque chose de logique. Et puis, il y a tout un aspect d'éducation. On a encore dans la santé, à chaque fois pour des bonnes raisons, hein, aussi parfois une porosité entre le professionnel et le personnel. Je prends l'exemple de professionnels de santé qui, avant de partir en vacances, peuvent faire un renvoi de la messagerie professionnelle vers leur email Gmail ou Yahoo ou Orange. Et tout ça, ce sont des failles de sécurité facilement exploitables. Hein. Je lisais une étude il n'y a pas longtemps qui disait que si tous les systèmes étaient à jour, si les gens étaient correctement formés sur le bon usage de la messagerie électronique, si derrière on avait des outils de sauvegarde parfaitement opérationnels, on résoudrait à peu près 98 à 99% des problèmes que rencontrent aujourd'hui les structures de santé en termes de cybersécurité. Valérie Peugeot, votre réaction à cette dernière statistique qui, je dois dire, est assez saisissante? Non, mais je ne peux que qu'aller dans le même sens sur tout ce qui a été cité comme piste de sécurisation des données. Mais en fait, il faut se dire qu'on marche sur trois pieds quand il s'agit de protéger nos données de santé. On a effectivement ce pied sécurité, mais qu'on pourrait compléter. Hein, la liste est très longue. On a parlé des mots de passe, mais on pourrait aussi parler de toute la politique d'habilitation, c'est-à-dire qui va avoir le droit d'accéder au système, du suivi de ces habilitations. On a aussi la question de la sécurisation du rapport avec les sous-traitants, s'assurer que quand on utilise un sous-traitant, lui-même respecte des normes de sécurité. On a le choix de son hébergeur, vérifier que son hébergeur, notamment quand on utilise des solutions cloud qui sont maintenant devienne la norme, vérifier que la solution cloud ne soit pas justement une pétrie de failles qui permettent à des espions de venir se servir en données de santé. Enfin voilà, la liste des points de sécurité est très très longue, mais à côté de ça, on a d'abord un outil juridique. C'est-à-dire que la CNIL en permanence veille à ce que on respecte à la fois le droit et la sécurité, hein, dans notre travail quotidien qui consiste à accompagner les acteurs qui, par exemple, créent des entrepôts de santé. On vérifie en permanence à la fois le volet juridique et le volet sécurité. En quoi consiste ce volet juridique? Par défaut, rappelons-nous, la donnée de santé, on n'a pas le droit de s'en servir. Ça peut paraître paradoxal de dire ça alors qu'on est en train de discuter depuis trois quarts d'heure de l'usage des données de santé, mais le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, dans son article 9, il dit on ne peut pas servir des données de santé. Et puis ensuite, bien sûr, il y a toute une série d'exceptions qui sont indispensables et qui vont nous permettre quand même de les utiliser, mais sous conditions. Et donc c'est la vérification de ces conditions qui est une première protection, c'est-à-dire vérifier qu'on ne se sert pas des données de santé pour faire n'importe quoi, vérifier les finalités, mais aussi vérifier la durée de conservation des données. On ne conserve pas des données juste pour les conserver en se demandant si peut-être un jour ça pourrait être utile. Non, on vérifie que ça va vraiment servir à quelque chose, que ce soit pour la recherche, le suivi médical ou autre chose. Voilà, donc il y a toute une série de normes juridiques. Et puis, le troisième pied, puisque je parlais d'un trépied, et je reviens sur la question de l'humain, hein, qui était évoquée à l'instant par Vincent, il faut penser gouvernance de la donnée. Et donc, gouvernance de la donnée, c'est quoi ? Ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est ce qu'évoquait Vincent, c'est que jusqu'à une période assez récente, que ce soit les DSI, les directeurs des systèmes d'information, ou les RSSI, les responsables de la sécurité des systèmes d'information dans les hôpitaux, on va dire qu'ils étaient assez marginalisés, pas forcément écoutés par rapport aux grands professeurs qui étaient mentionnés. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est un mouvement où ces deux personnages qui sont absolument essentiels dans cette sécurisation des données gagnent en poids dans les hôpitaux, ne serait-ce que parce que effectivement, on assiste à toute une série de situations assez catastrophiques, et donc ils gagnent en poids. Et puis, par ailleurs, on voit aussi se mettre en place toutes des comités d'éthique qui, eux, vont veiller aux usages, aux finalités de ces données de santé. Donc voilà, sécurité juridique, sécurité technique et gouvernance, tout cela va permettre à la source, hein, comme ça a été dit par Vincent, à la source de veiller à ce qu'on n'utilise pas nos données de santé à tort et à travers. Et puisque vous évoquiez... Peut-être aussi, oui. J'ajoute une information très pratique. Allez-y, en un mot. L'État a aussi mis en place une politique de sécurisation des systèmes d'information de santé, le PGSSIS, pour l'appeler par son petit nom, mm-hmm. Qui aide les acteurs, les industriels, etc., à être au mieux dans la conformité à la sécurité. Et donc ça, il faut s'appuyer aussi sur ces outils-là. Pour les acteurs, c'était une aide précieuse. Absolument, d'autant plus que, comme nous le fait remarquer à juste titre un auditeur ou une auditrice, d'ailleurs je ne sais pas puisque c'est sur Twitter avec un pseudo, mais c'est tout de même intéressant, les hôpitaux seraient dans l'illégalité, selon justement la RGPD, s'ils ne peuvent pas assurer la sécurité des données qu'ils gèrent, Valérie Peugeot ? Ah ben bien sûr, bien sûr. Oui. C'est important de le dire. Tout à fait. Et donc nous, le travail, là j'ai parlé du travail de la CNIL qui consiste à accompagner les acteurs pour les aider à se mettre en conformité. Mais en aval, nous avons aussi un service répressif qui à la fois contrôle en permanence, hein, alors pas tous les systèmes d'information parce que la CNIL n'aurait pas les moyens en permanence, mais disons qu'on carotte et on va régulièrement dans les systèmes d'information des hôpitaux, des laboratoires, etc., pour regarder comment cette sécurité est mise en œuvre, comment ça se passe concrètement. Et puis derrière, on a des sanctions possibles. Encore récemment, on vient de sanctionner deux médecins qui n'avaient pas respecté le RGPD. Donc, des sanctions qui peuvent être relativement modestes quand il s'agit d'un médecin individuel, mais qui peuvent être beaucoup plus lourdes s'il s'agit d'un établissement hospitalier ou d'un laboratoire. Donc, et qui là font mal au porte-monnaie. Donc voilà, nous on essaye d'éviter, la CNIL essaye d'éviter autant que possible d'aller jusqu'à la sanction. Hein. Il y a une énorme partie du travail de la CNIL qui ne se voit pas, c'est la partie immergée de l'iceberg qui consiste à aider les acteurs en amont ou quand on a une alerte, quand il y a une plainte et qu'on nous dit on m'a refusé l'accès à mon dossier patient par exemple. À ce moment-là, on se tourne vers le professionnel et on l'incite à se mettre en conformité. Mais s'il ne se met pas en conformité, on va jusqu'à la sanction. Vincent Trélier, à ce propos. Ben tout à fait, et le règlement général sur la protection des données a fait du bien. Dans ce qu'a dit Valérie, il y a deux points notables. C'est le positionnement. Le positionnement du responsable sécurité des systèmes d'information et du directeur informatique dans les hôpitaux. Il y a encore 8 ou 10 ans, les informaticiens à l'hôpital, c'était les gars à la cave qui tiraient les câbles et qui déployaient les PC. On a mis un petit peu de temps, la gouvernance globale des hôpitaux a mis un petit peu de temps à comprendre que ces fonctions étaient éminemment stratégiques et qu'on était plus sur des geeks qui configuraient des comptes, mais qui fallait une vraie politique, un schéma directeur, une politique de sécurité des systèmes d'information. Et l'État fait son maximum pour tirer vers le haut ce système et positionner correctement le responsable sécurité des systèmes d'information, qui est un contrôleur, hein, qui est un expert, mais qui est un contrôleur de bonnes pratiques également, un qualiticien, quelque part, du numérique et de la donnée. Et puis maintenant, le délégué à la protection des données mis en œuvre par le RGPD. Il était rappelé, et effectivement, dans son article 32, le RGPD dit que le responsable de traitement, donc le directeur ou la directrice de l'établissement, doit prendre toutes les mesures adéquates en proportion de la qualité des données manipulées. Or, les données de santé, on l'a dit, c'est de la nitroglycérine. Hein, c'est-à-dire, ce sont des données secrètes. Ce sont des données secrètes. Nos données de santé à caractère personnel sont des données secrètes. C'est très codé par la loi. C'est pas open bar. C'est une équipe de soins bien définie qui doit avoir accès aux données d'un patient. Et il y a tout un travail considérable à faire à l'intérieur des structures pour arriver à respecter cela. Je prends un exemple rapide. Un hôpital des Pays-Bas a été condamné par la CNIL de là-bas l'année dernière à 400 000 euros d'amende parce qu'une star de la télé avait été hospitalisée. Son équipe de soins comportait à peu près 8 professionnels de santé et son dossier médical a été consulté par 85 personnes. C'est-à-dire que, eh bien, il y a des gens qui se sont permis la consultation du dossier de cette personne pour savoir ce qu'elle avait, et donc la sanction est tombée, et 400 000 euros, c'est pas rien. Et à côté de ça, on a un hôpital portugais, lui, qui était sanctionné pour des choses beaucoup plus basiques. Hein. C'était la présence, par exemple, de comptes d'accès au dossier médical de gens qui étaient partis. Qui était parti de l'hôpital. Mais ça, si vous voulez, moi j'ai été directeur informatique d'un gros hôpital français, on est toujours prévenu quand quelqu'un arrive, parce qu'il faut qu'il bosse, il faut qu'il ait accès au dossier médical, donc on est prévenu parfois le jour de son arrivée, mais on est au courant. Il faut se bagarrer pour être prévenu de quand les gens s'en vont. Et donc, pour arriver, parce que quand quelqu'un s'en va dans l'hôpital, la logique voudrait que dans les quelques minutes qui suivent son départ, eh bien, ses autorisations soient désactivées, sa messagerie soit bloquée, etc. Ben, c'est pas trivial tout ça. C'est pas si simple. Ce sont des réunions où il faut se battre avec les autres directions en expliquant que bah, c'est extrêmement important, que le système d'information doit en permanence être intègre, qu'on doit pas avoir des droits partagés, comme Valérie le citait, les habilitations aussi, c'est un vrai sujet, parce que si on écoute les professionnels de santé, et je dis toujours, pour des tas de bonnes raisons, l'idéal c'est tout le monde a accès à tout, comme ça va plus vite. Et puis nous, de notre côté, on va dire, eh ben non, tout ce qui n'est pas strictement nécessaire est interdit. Donc, on part sur deux principes complètement antinomiques. Pour pouvoir bien bosser, aller vite et bien soigner le patient, il faut qu'on ait accès à toute la donnée le plus rapidement possible. Et les RSSI arrivent en disant, ben non, vous n'avez accès à rien, sauf ce qui est absolument essentiel à l'exercice de votre travail. Et on passe notre temps à négocier, quelque part, à essayer de trouver des compromis, parce qu'il n'est pas question que l'informatique bloque le métier non plus. Les urgentistes, je comprends les urgentistes qui disent, mais attendez, vous êtes gentils, mais nous, quand on a des patients qui arrivent, on a besoin d'accéder à l'information. Oui, on a besoin de tout savoir. On a besoin de tout savoir, on n'a pas le temps de mettre une carte en plastique dans un lecteur qui va prendre 10 secondes pour nous reconnaître et nous ouvrir les droits. Dans un monde idéal, eux, c'est tous les ordinateurs allumés en permanence pour pouvoir y accéder. Et donc, on est obligé de faire de la pédagogie, de discuter avec un rapport de force qui n'est pas toujours en la faveur des responsables informatiques et des responsables de sécurité, comme je le mentionnais tout à l'heure. Une question pour conclure très brièvement l'un et l'autre. Valérie Peugeot, aujourd'hui, après tout ce qu'on vient de dire, qui peut être effectivement assez inquiétant ou assez anxiogène, en tout cas sur la nature de la sécurité des données de santé que l'on disperse autour de nous et notamment via notre carte vitale, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditrices et nos auditeurs aujourd'hui des données qui sont contenues sur leur carte vitale? Est-ce que, a priori, elles sont plutôt sûres? Est-ce qu'il faut faire plutôt attention? Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots? Non, c'est pas la carte vitale n'est pas le problème. Je dirais que c'est plutôt une attitude générale qu'on doit avoir par rapport à ces données en général et pas seulement ces données de santé, où effectivement il faut vérifier avant d'ouvrir ces informations à des tiers. Il faut en permanence vérifier quelle est la qualité de ces tiers. Et on parlait de politique de mots de passe. C'est pas seulement pour les professionnels de santé. C'est-à-dire que s'obliger soi-même à avoir des mots de passe forts sur tous les services auxquels on se connecte, a fortiori des services liés à la santé, que ce soit par exemple des outils de téléconsultation, de prise de rendez-vous médical, etc. Avoir des mots de passe forts, c'est le béaba, je dirais, de la sécurité individuelle pour commencer. Mais peut-être pour ajouter juste un mot. Je pense qu'en un mot, on cherche en permanence, on marche sur une corniche pour chercher en permanence l'équilibre entre sécurité des données et usage de ces données de santé qui sont pleines de promesses, notamment en termes de recherche médicale. Bien sûr, et d'épidémiologie. C'est cette corde étroite que nous devons suivre. Merci, voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Valérie Peugeot, Vincent Trélie, d'être venus nous parler des données de santé. On peut ajouter que dans des périodes comme l'épidémie que nous connaissons, avec le rush qu'il peut y avoir autour de l'épidémie de Covid, et de vaccination, faites bien attention aux sites sur lesquels vous vous rendez. Il y a des sites qui ont l'air d'être des sites officiels, comme des sites de Doctolib, des sites de l'État qui vous demandent votre numéro de carte bleue pour aller vous faire vacciner. Ne la donnez pas, ce sont des faux sites. Soyez prudents, plus prudents que jamais dans des périodes un peu anxiogènes comme celle-là. La prudence parfois est un peu levée et c'est comme ça qu'on tombe dans des arnaques de gens mal intentionnés. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Natacha Triou, Dominique Guetzin, Vulle France, Céline Lozen, Étienne, Olivier Bétard à la réalisation, Clara Galivelle à la technique. Demain, je vous fais le serment que vous saurez tout, absolument tout, de celui qu'on appelle aujourd'hui le premier des médecins, histoire des sciences et histoire d'Hippocrate, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.